On va parler du cégep de Jonquière. Une belle annonce qui a été faite la semaine dernière. Le cégep de Jonquière qui ont investi 1,6 million pour rénover un peu la salle d'entraînement, la salle de gym. Ça fait beaucoup d'argent. J'imagine qu'avec 1,6 million, tu peux faire beaucoup de choses. On y parle souvent. Quand il était instructeur de football, c'est François Laberge qui est devenu depuis les fêtes le responsable des sports au cégep de Jonquière. Salut François. Salut Danny. Faut dire que c'est un poste temporaire pour le moment, c'est ça? C'est un remplacement d'un an là pour donc je demeure l'entraîneur de football, puis je fais la double tâche pour la prochaine année. Puis on va voir par la suite, là, dépendamment du si mon prédécesseur revient ou garde son emploi, son nouvel emploi. OK. Donc on va y aller maintenant avec la nouvelle de la semaine passée, 1,6 million, c'est une belle annonce. Ouais, vraiment. Écoute, moi, ça fait 13 ans que je suis au cégep de Jonquière. Puis ça fait 13 ans qu'on attend ça. La salle d'entraînement, elle était désuète il y a 13 ans. Donc, je te dis pas comment elle l'était dans les dernières années. Tu sais, nous, avec les programmes de sport, on envoyait nos athlètes s'entraîner à l'extérieur dans les écoles secondaires parce qu'on n'avait pas une assez grande salle, qui avait pas assez d'espace, manquait de matériel spécialisé. Et là, avec ce projet-là, on a remédié à tout ça. On est plus, même là, dans le sens que on a triplé la superficie, puis on a séparé ça en deux salles. Il va y avoir une salle qui va être pour monsieur, madame, tout le monde, la population étudiante et la population des employés, qui est une grande salle avec bon les appareils qu'on connaît et tout, et aussi les appareils de cardiovasculaire, les poids, tout ça, avec un kinésiologue qui va être là pour surveiller un peu la salle, puis faire les programmes d'entraînement. Puis l'ancienne salle a été récupérée, elle est adjacente, donc il y a une grande porte vitrée avec un grand mur vitré qui sépare les deux salles. Puis elle, ça va être une salle réservée aux athlètes gaillards du cégep de Jonquière. Et là, on a une salle spécialisée en entraînement, c'est-à-dire 5 plateformes d'haltérophilie, 5 cages à squat avec 5 stations de bench, une surface synthétique de 5 verges par 28 de long, 5 verges de large par 28 de long. Donc, on peut faire de la course, de la pliométrie, du prowler. Bref, on a vraiment pris ce qui se faisait au niveau universitaire NCAA, mais un peu plus petit. On s'entend qu'on n'a pas le gym des Gators de la Floride, mais c'est vraiment le même genre d'infrastructure à plus petite échelle. OK. Donc, et monsieur, tout le monde va pouvoir y aller? Donc, c'est pour rentabiliser? Pour la salle. Ouais. Pour la salle éventuelle, oui. Présentement, en année COVID, elle ouvre lundi prochain et elle va être strictement réservée pour les étudiants et les employés du cégep de Jonquière. Mais éventuellement, on va voir s'il y a une demande du public. On est très ouvert à ouvrir la salle au grand public. C'est sûr que c'est pas une entreprise privée, fait que vous n'avez pas d'affaire à faire une étude de marché, bien sûr, mais... Il y a combien de gyms à Jonquière? Ça fait longtemps que je n'ai pas été... Il y en a quand même quelques-uns. Il y en a un, c'est à Saint-Dominique. Il y a des gyms comme CrossFit Jonquière. Il y a le Mofo. Il y a le gym à Arvida aussi. Donc, il y en a quelques-uns. Tu sais, nous, je pense qu'on ne veut pas concurrencer le privé. Non, ce qu'on veut d'abord et avant tout, c'est servir notre population. Puis, reste à voir que s'il y a de la place puis il y a un intérêt du public, ben là, la direction n'est pas fermée, mais il n'y a aucune décision qui a été prise à ce niveau-là. OK. Si on parlait maintenant... Donc, c'est un bel investissement, c'est une belle annonce. Faisais-tu longtemps que vous travailliez là-dessus? Oui, je te dirais qu'écoute, il y avait eu des projets dans le temps quand je suis arrivé 2008, 2009, 2010, il y avait eu le KEMS qui avait finalement pas marché, où là on avait un gymnase de plus, une surface synthétique, bref, il y avait un gros projet encore plus. Ça avait tombé, donc à partir de ce moment-là, ça avait pas fait. On avait réessayé d'en faire un autre où on bâtissait une nouvelle bâtisse dans le stationnement. Ça n'avait pas fait non plus. Puis finalement, ben là, avec un programme où il fallait bâtir à l'interne, puis le fait qu'on puisse se libérer 3 salles de classe qu'on a récupérées en enlevant les casiers, vu que les jeunes ne prennent plus de casiers aujourd'hui. Ils ont comme pris l'espace qui était par les casiers. Ils ont fait 2 salles haute technologie là, qui appellent avec des TV puis des écrans tactiles partout dans la classe. C'est des salles de classe d'apprentissage. Donc, en récupérant ces 2 salles de classe-là, on a pu défoncer 3 salles de classe, puis ensuite de ça, ben faire le nouveau gym avec ces 3 salles-là et le corridor là qui nous donne, qui est facilement 3,5 fois la grandeur de l'ancienne salle. OK. Donc c'est vraiment une bonne... j'imagine que les jeunes, c'était bien accueilli par les jeunes. cette nouvelle-là. Ouais, vraiment, vraiment. Nos athlètes trippent vraiment. Là, tu sais, le gym spécialisé avec la surface synthétique, pis tout, là, ça fait allumer puis ça fait saliver beaucoup de monde. Puis tu sais, on va la personnaliser. Présentement, il y a juste des G, le logo des Gaillards, sur les plateformes d'haltérophilie, mais on va faire mettre un mur complet Gaillard. Il va y avoir des G un peu partout. Faut faire affaire avec un graphiste. On travaille là-dessus en appel d'offres. Donc, on est là-dessus pour vraiment la mettre au goût du jour, puis vraiment identifier, taguer Gaillard, parce que cette salle-là va être pour les cours de CrossFit d'éducation physique, puis réservée aux athlètes et aux étudiants athlètes à l'extérieur, avec un préparateur physique pour tous les sports. Donc ça va être, on vient vraiment de stepper up là, au niveau de nos programmes sportifs avec un équipement de la sorte. Ça là, c'est sûr que on ne sait pas ce qu'on s'en va avec le COVID, on ne sait pas ce qu'on, pas du tout là. Mais est-ce que vous avez des projets pour maximiser ça? Parce qu'une équipe de hockey au niveau collégial, ça pourrait être possible? Écoute, on regarde un peu. Je te dirais que pour l'instant, moi, je viens d'entrer en poste. J'ai déjà relancé on a relancé le basketball féminin. Ouais, donc, on se rajoute question. On rajoute une équipe l'année prochaine. On va se retrouver à 200 ou un peu plus que 200 étudiants athlètes. Donc, je pense qu'avec les sports qu'on a actuellement, c'est bien, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir des défis et tout ça. Fait que c'est sûr que c'est des choses qu'on va regarder dans les prochaines années. Par contre, on veut toujours s'assurer de bien performer puis bien structurer puis donner des beaux avantages aux programmes qu'on a en place. Puis éventuellement, quand tous ces programmes-là vont être en santé puis vont être bien en poste, ben là, on pourra regarder pour l'expansion, justement, peut-être hockey, peut-être ça, c'est des choses qui restent à voir, mais je ferai pas ça dans la prochaine année, certainement. OK. Actuellement, tu as le football, je connais très bien, tu as le basketball. Après ça, c'est quoi, le volleyball? On a basketball masculin, on a deux équipes, division 2, division 3. On va avoir une équipe de division 3 en féminin. Ensuite de ça, on a du volleyball masculin. On est la seule équipe au sein de Lac-Saint-Jean avec une équipe fort, hein? De volleyball masculin. Ouais, on est très bon, on est champion provincial en 2018. Puis l'année passée, il n'y a pas eu de championnat, mais on était encore très fort dans le top du classement. Ensuite de ça, on a du volleyball féminin division 1, division 2. On a également, cross-country, soccer extérieur, du féminin masculin. On a aussi de la natation. OK. Donc, ça fait pas mal de monde à la messe, puis ainsi de suite. Ouais, une dizaine d'équipes. Ouais. Dis-moi le basketball maintenant. Belle nouvelle. Ouais. Oui, je pense que, écoutez, on avait une entente que, par mon prédécesseur qui avait été faite avec le cégep de Chicoutimi pour donner l'exclusivité des filles à Chicoutimi pour les prochaines années. Là, le basket va un peu mieux. Donc, ce que Chicoutimi a décidé qu'il voulait relancer leur programme de masculin. Donc, nous, de notre côté, on a décidé aussi que c'était le temps de revoir du féminin. On a déjà des filles à l'interne qui ont signifié qu'ils allaient vouloir faire partie de l'équipe, plus des filles du territoire de Jonquière qui n'étaient pas nécessairement intéressées à aller étudier au cégep de Chicoutimi pour aller jouer en division 3. Donc, ces filles-là sont super contentes. Puis, il y a aussi, il faut comprendre que d'abord et avant tout, le cégep, c'est un choix scolaire, donc il y a des filles qui étaient en technique qui sont ici au cégep de Jonquière, et si ta technique se donne au cégep de Jonquière, ben t'étais obligé d'arrêter le basket si t'étais une fille, parce qu'il n'y avait pas de basket ici à Jonquière, donc d'être capable de redonner ça aux filles du territoire, c'est quelque chose qui est intéressant, puis on répond à un besoin là, qui est clair sur le terrain, là. On a déjà 9 filles de recrutées, on en avait 6 à l'interne, je crois, puis 3 de la polyvalente Arvida, donc ça va déjà très bien à ce niveau-là. François, il y a une nouvelle qui vient de tomber. Je viens juste de voir ça en même temps que je te parle, puis je veux te faire commenter. Il y aura une rencontre vendredi entre Sport Québec et la santé publique pour une reprise partielle et graduelle du sport organisé. Je m'y attendais. Je pense qu'éventuellement, surtout dans les zones oranges, c'est quelque chose qui va devenir un incontournable. Oui. Par contre, faut être conscient que ça va être très, très minimal au début, c'est-à-dire qu'on va juste faire jouer les jeunes, ça va être des petits groupes, il n'y aura pas de situation de jeu. Là. T'sais, si moi, je prends mon gymnase, là, on recommence la semaine prochaine, puis dans le gymnase, ça va travailler en diade. Ça veut dire que tu travailles deux par deux avec le masque, en respectant la distanciation physique, puis c'est 8 athlètes à la fois dans le gymnase au complet. Mais au moins, il y a de l'espoir. Au Mais moins. au moins, il bouge. Mais Tu écoute, sais, Danny, ça peut être long, ça c'est peut. sûr qu'il va avoir de l'espoir. Je sais que les temps sont difficiles et tout, mais moi, je te l'ai dit, je suis hyper positif. Puis je pense que l'été va vraiment aider à pas mal nous sortir de la pandémie. C'est-à-dire qu'à l'automne, va continuer de falloir faire attention. Il va y avoir des mesures qui vont rester. Mais je pense que avec la vaccination qui va avancer versus l'été qui va arriver, je pense que ça va nous aider à faire des pas de géant, puis d'arriver à l'automne prochain avec une situation qui va être presque, qui va nous amener vers un retour à la normale, J'espère. si c'est pas directement à la normale, parce que je pense qu'à un moment donné, avec le vaccin, puis tout ça, là, c'est prouvé que les deux grands vaccins sont bons avec les variants et tout ça. Donc, moi, j'ai très bon espoir que, puis d'une manière ou d'une autre, on n'aura juste pas le choix aussi. À un moment donné, t'arrives, puis là, les jeunes, on voit les échecs scolaires, c'est des records. 30% ce La matin, 30% ce détresse. matin qu'on disait. Ouais, en mathématiques, Ouais, 30, 30%, 30% maintenant, ouais. 25 en français, je pense, Ben. mais bref, on atteint des records dans tout ce qui est des choses, puis au niveau de la santé mentale, on peut pas être plus bas. Fait qu'à un moment donné, ça va être juste de ramener le balancier, là. C'est-à-dire que tu peux plus juste t'occuper du virus, il faut que tu t'occupes de tout ce qui est autour. Ouais. François, un gros, gros merci. On va se parler longtemps. On va se parler régulièrement, j'ai l'impression. Fait que et au plaisir de se parler. Ça fait plaisir, Dani. François Laberge, qui est le responsable des sports au Cible Jonquière, également entraîneur-chef des Gaillards de Jonquière.